que je te dise à dire vrai, je suis un type comme les autres, avec des passages à vide qui m'ont conduit à commettre des fautes. Je sais être calme ou bien enragé, mais dans tous les cas, je sais aussi être doux et même sérieux quand j'enregistre. Ce son là n'est pas une berceuse, écoute quand je me confie, je vois que les crasseuses qui n'attirent que des conflits. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu ce qui la calèche. Je me suis même rangé quand l'avenir me paraissait bien lèche. Parmi tout ça, j'en oublie pas le peu qui me soutiennent. Les amis sont si peu, tandis que les traites se comptent par centaines. Certains te tendent la main et d'autres t'écrasent les doigts. J'ai m'orienté mon chemin, y'a plus de pute sur ma trajectoire. Quoique, on sait pas ce que nous réserve demain. C'est peut-être l'impasse ou une bonne vie dans un gros domaine. C'est peut-être la peine ou de la joie dans les yeux de ma mère. C'est peut-être de la haine ou de l'amour pour cette musique que je fais. Hey yo. T'as fait ci, t'as fait ça.